Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génésot. Seconde semaine, cinquième jour. Le sujet de la contemplation du cinquième jour est le départ de Jésus-Christ, notre Seigneur, de Nazareth pour le fleuve du Jourdain, et son baptême par Saint Jean, voir les mystères. Cette contemplation se fera une première fois au milieu de la nuit, et une seconde fois le matin. On en fera deux répétitions, l'une à l'heure de la messe, l'autre à l'heure des vêpres, enfin l'application des sens avant le souper. Avant chacun des cinq exercices, on fera toujours l'oraison préparatoire ordinaire et les trois préludes, selon ce qui est expliqué dans la contemplation de l'incarnation et de la naissance du Sauveur, et on les terminera par les trois colloques des trois classes, en observant fidèlement la remarque qui suit cet exercice. Note. Que l'on ne passe pas légèrement sur cette recommandation de ne jamais omettre les trois colloques, et d'avoir toujours devant les yeux la remarque qui suit la méditation de trois classes, et dont nous avons parlé dans la note précédente. On pourrait se demander pourquoi Saint Ignace, ici comme ailleurs, renvoie pour les colloques à la méditation des trois classes, qui renvoie elle-même à celle des deux étendards, où se trouvent l'on sait colloques. Ne serait-ce pas pour saisir l'occasion de nous rappeler la remarque si importante qui est à la fin de la méditation des trois classes, et nous en recommander la pratique? Fin de la note. L'examen particulier, après le dîner et après le souper, se fera sur les fautes et les négligences que l'on aura commises dans les exercices du jour et dans la pratique des additions, et de même les jours suivants. Sixième jour. Le sujet de la contemplation du sixième jour sera comment Jésus-Christ, notre Seigneur, alla du Jourdain au désert, et ce qui s'y passa. On observera, en tout, ce qui est marqué au jour précédent. Note. Voir les mystères. On observera en tout, même les trois colloques et la remarque qui suit la méditation des trois classes, ce qui doit s'entendre aussi des jours suivants. Septième jour. Comment Saint André et les autres apôtres suivirent Jésus-Christ, notre Seigneur. Voir les mystères. Huitième jour. Le sermon sur la montagne, ou les huit béatitudes. Voir les mystères. Neuvième jour. Comment notre Seigneur Jésus-Christ apparut à ses disciples, marchant sur les flots. Voir les mystères. Dixième jour. Comment le Seigneur prêchait dans le temple. Voir les mystères. Onzième jour. La résurrection de Lazare. Voir les mystères. Douzième jour. Le jour des rameaux. Voir les mystères. Remarque. Première remarque. On peut, dans cette seconde semaine, selon le temps que l'on veut y employer et le profit spirituel que l'on en retire, multiplier ou diminuer le nombre des contemplations. Dans le premier cas, on ajoutera les mystères de la visitation de Notre-Dame à Sainte-Élisabeth, de l'adoration des bergers, de la circoncision de l'enfant Jésus, de l'adoration des mages, et ainsi des autres. Dans le second, on en retranchera plusieurs, même de ceux qui sont ici indiqués, puisqu'en les réunissant on ne s'est proposé que de présenter une introduction à la méditation des mystères du Sauveur, afin que l'on puisse les contempler ensuite d'une manière plus complète. Note. On peut donc, à volonté, faire un choix parmi les mystères indiqués, et en méditer un nombre plus ou moins grand, puisqu'ils ne sont présentés ici que par manière d'introduction, afin de donner une méthode de contemplation dont on puisse acquérir un certain usage, et qui sera très utile, soit dans les contemplations suivantes, soit après les exercices, pour ceux qui ont l'habitude de faire tous les jours l'oraison mentale. Ainsi, que l'on médite pendant les exercices même plus ou moins de mystères, on pourra ensuite les contempler d'une manière plus complète, pourvu que l'on se pénètre bien de cette introduction et méthode qui consiste à contempler les mystères de la vie de notre Seigneur en considérant les personnes, leurs paroles et leurs actions, dans un certain ordre et avec une certaine suite, et en faisant les trois colloques et le reste, suivant le livre des exercices. Fin de la note. Deuxième remarque. La matière de l'élection commencera à se traiter à la contemplation du départ de notre Seigneur de Nazareth pour le Jourdain, c'est-à-dire le cinquième jour inclusivement, ce qui doit se faire selon la méthode indiquée plus bas. Troisième remarque. Avant d'entrer dans la matière de l'élection, il sera très utile, pour s'affectionner à la véritable doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, de considérer attentivement les trois modes ou degrés d'humilité suivants, de s'en occuper souvent pendant le jour, en faisant les trois colloques, comme il est recommandé plus bas. Note. Pour s'affectionner. Pour que l'on parvienne à estimer grandement et à vivement aimer la véritable doctrine de Jésus-Christ. Telle est la force du mot espagnol affectarse. Remarquez le but spécial de cette considération sur les trois degrés de l'humilité, et voyez en quoi il diffère de celui de la méditation des trois classes. Dans la méditation des trois classes, il s'agissait surtout de la disposition de l'âme à éloigner tout obstacle. Dans la présente, des trois degrés d'humilité, l'âme est appelée à se mettre généreusement à la suite de Jésus-Christ, et à l'imiter avec un grand cœur dans les choses les plus difficiles. Assurément rien n'est plus élevé, rien n'est plus parfait que ce troisième degré d'humilité, qui consiste dans une disposition de l'âme à choisir et à embrasser tout ce qu'il y a de plus sublime dans la perfection. Fin de la note. Des trois degrés d'humilité. Note. Pourquoi d'humilité? Parce que, selon saint Augustin, l'orgueil est l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, et l'humilité est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même. Tout vice est désigné par l'orgueil, toute vertu par l'humilité. Fin de la note. Le premier degré d'humilité est nécessaire pour le salut éternel. Il consiste à m'abaisser et à m'humilier autant qu'il me sera possible et qu'il est nécessaire pour obéir en tout à la loi de Dieu, notre Seigneur, de sorte que, quand on m'offrirait le domaine de l'univers, quand on me menacerait de m'ôter la vie, je ne mets pas même en délibération la possibilité de transgresser un commandement de Dieu ou des hommes, qui m'oblige sous peine de péché mortel. Note. Littéralement, je ne sois pas à délibérer si je transgresserai. Il s'agit moins ici de l'acte que de l'habitude, ou disposition de l'âme. Car s'il s'agissait d'éviter actuellement le péché mortel, comment expliquer ces paroles, omises par la Vulgate, mais qui sont textuelles, autant qu'il me sera possible? Elles seraient au moins inutiles, puisqu'il est toujours possible d'éviter actuellement le péché mortel, et que jamais personne ne peut dire avec vérité, je ne puis m'empêcher de pécher mortellement. Mais, comme il s'agit d'une soumission si entière à la loi divine que, dans les occasions les plus pressantes, je ne délibère pas même un seul instant avec la tentation, je puis désirer que telle soit ma disposition, autant qu'il me sera possible. J'ajouterai même que, bien que ce degré soit nécessaire au salut, et que par conséquent nous devrions tous être dans ce degré, chacun cependant doit penser et dire, autant qu'il me sera possible, et non sans crainte et sans tremblement. Certes, Saint Pierre avait le premier degré d'humilité, et il était dans la disposition que ce degré exige, et cette disposition lui faisait dire à Jésus-Christ, « Quand même il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai point. » Et cependant, dans l'acte, dans l'occasion et en présence du danger, il ne resta pas debout. Ces réflexions doivent s'appliquer à bien plus forte raison au second degré. Fin de la note. Le second degré d'humilité est plus parfait que le premier. Il consiste à me trouver dans une entière indifférence de volonté et d'affection entre les richesses et la pauvreté, les honneurs et les mépris, le désir d'une longue vie ou d'une vie courte, pourvu qu'il en revienne à Dieu une gloire égale et un égal avantage au salut de mon âme. De plus, quand il s'agirait de gagner le monde entier, ou de sauver ma propre vie, je ne balancerai pas à rejeter toute pensée de commettre à cette fin un seul péché véniel. Note. Dans une entière indifférence. Littéralement, à me trouver en un tel point, dans une telle disposition, voire note précédente, que je ne veuille ni ne m'affectionne pas plus, etc. Le second degré d'humilité établit donc l'homme, dans cette indifférence universelle, qui est comme le résumé ou le terme de la méditation fondamentale, et sa perfection consiste en ce qu'il met celui qui le possède dans une sorte d'impossibilité de commettre un péché véniel délibéré. Car comment celui qui a une indifférence entière pour les richesses, pour l'honneur, pour la vie, en viendrait-il à commettre un péché véniel délibéré ? Pour quelle raison consentirait-il à le commettre, puisque c'est toujours pour la conservation ou l'augmentation de quelque bien temporel qui se rapporte à l'un des trois chefs ici énumérés, que, l'homme, consent à commettre le péché, soit mortel, soit véniel? S'il est indifférent pour les richesses, comment ne le sera-t-il pas pour une foule de petits objets sans importance, auxquels les âmes imparfaites s'attachent souvent d'une manière si futile? S'il est indifférent pour les honneurs, comment recherchera-t-il la vanité dans les petites choses? Et enfin, s'il est véritablement indifférent pour sa vie même, comment consentira-t-il à suivre la sensualité, quelque légère qu'elle soit, si elle est coupable? Donc, pour l'homme, qui est établi dans le second degré d'humilité, il n'y a plus de raison suffisante pour consentir d'une manière pleinement délibérée à commettre un seul péché véniel. Aussi l'auteur des exercices, après avoir posé l'indifférence comme le fond de ce degré, ajoute-t-il, « Et quand on voudrait m'ôter la vie, je n'en viendrai pas même à délibérer si je commettrais, pour la sauver, un péché véniel. » Et ces paroles, de plus, etc., littéralement, et avec cela, sont moins une nouvelle condition constitutive du second degré d'humilité, qu'une conséquence rigoureuse de la première et unique condition, qui est l'indifférence. Voir nota sur l'indifférence. Disons donc que la perfection de ce second degré d'humilité est si grande, que l'on serait porté à croire, au premier abord, qu'il est impossible d'en imaginer une plus haute sur la terre, si l'on ne savait que Saint Ignace nous en propose une incomparablement plus sublime, dans un troisième degré. Fin de la note. Le troisième degré d'humilité est très parfait. Il comprend les deux premiers, et veut de plus, supposer que la louange et la gloire de la majesté divine soient égales, que, pour imiter plus parfaitement Jésus-Christ, notre Seigneur, et me rendre de fait plus semblable à lui, je préfère, j'embrasse la pauvreté avec Jésus-Christ pauvre, plutôt que les richesses, les opprobres avec Jésus-Christ rassasié d'opprobre, plutôt que les honneurs, le désir d'être regardé comme un homme, inutile et insensé, par amour pour Jésus-Christ, qui le premier a été regardé comme tel, plutôt que de passer pour un homme, sage et prudent aux yeux du monde. Quelle force et quelle onction dans ces rapprochements, la pauvreté avec Jésus-Christ, pauvre, etc. Note. Supposez que la louange et la gloire de la divine majesté soient égales. Celui qui possède ou veut acquérir le troisième degré d'humilité, choisit de fait la pauvreté et les mépris, pourvu que la plus grande gloire de Dieu n'exige pas qu'il conserve ou accepte les richesses et les honneurs, ce qui peut arriver quelquefois. Une application pratique pourra jeter une nouvelle lumière sur cette doctrine. Paul est grièvement lésé en ses biens ou en son honneur. Premièrement, en vertu et par la force intime du premier degré d'humilité, il ne voudra pour rien au monde revendiquer ses droits, s'il ne peut le faire sans commettre un péché mortel. Secondement, en vertu et par la force intime du second degré d'humilité, il ne voudra pas même, pour tâcher de rentrer dans ses droits, commettre un péché véniel. Troisièmement, en vertu et par la force intime du troisième degré d'humilité, il estimera ses dommages un gain en Jésus-Christ, et l'infamie un honneur, il ne fera aucune démarche, il supportera tout dans la joie et le silence, pourvu que la gloire de Dieu soit égale, c'est-à-dire pourvu que ni son emploi, ni sa position, ni aucune obligation quelconque n'exige qu'il fasse valoir ses droits. Si cette obligation existe, la gloire de Dieu cesse alors d'être égale, il aura donc recours à une légitime défense, sans manquer, par cette conduite, de fidélité au troisième degré d'humilité, pourvu qu'il conserve dans son cœur les sentiments purs d'une âme vraiment humble. Et, si cette défense légitime demeure, comme il arrive souvent, sans résultat, il supportera ce nouveau revers, non seulement avec patience, mais avec joie. Il se félicitera avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ d'avoir été jugé digne d'un double opprobre, qu'il regardera comme une double gloire. Au reste, pour le dire en passant, les deux premiers degrés d'humilité comprennent l'indifférence parfaite, ils supposent l'attaque sérieuse de la rébellion de la chair, des sens, de l'amour propre et de l'amour du monde. Mais pour le troisième degré, non content de l'indifférence et de la poursuite de toute rébellion, il veut absolument et en toute chose agir contre l'inclination de la nature, et cela uniquement pour imiter plus parfaitement Jésus-Christ, notre Seigneur, et lui ressembler davantage. L'humilité du troisième degré renferme donc un amour très pur de Jésus-Roi, c'est sur cet amour qu'elle repose comme sur une base inébranlable, et elle a une union bien étroite avec l'exercice du règne de Jésus-Christ, qui est, ainsi que nous l'avons fait remarquer en son lieu, comme le fondement des trois dernières semaines des exercices. Fin de la note. Il sera donc très utile, pour celui qui désire obtenir ce troisième degré d'humilité, de faire les trois colloques de la méditation des trois classes, demandant à notre Seigneur qu'il veuille l'appeler à cette vertu dans un degré plus élevé et plus précieux que les deux premiers, afin de l'imiter et de le servir plus parfaitement, pourvu que le service et la louange de sa divine majesté s'y trouvent également, ou davantage. Note. Pour celui qui désire. Saint Ignace ne propose pas les trois colloques indistinctement à tous, mais à ceux-là seuls qui désirent parvenir à cette parfaite humilité, à ceux qui, embrasés d'amour pour Jésus leur roi, et épris de la beauté d'une si haute perfection, soupirent après elle et l'appellent de tous leurs vœux, à ceux, en un mot, qui veulent, comme nous l'avons dit dans la contemplation du règne de Jésus-Christ, se signaler au service du chef divin, dont ils suivent l'étendard. Car cet état est un don spécial, un don vraiment excellent, un don parfait, un don d'en haut, que nous ne pouvons obtenir que par une humble et persévérante prière. Je dis plus, la prière et la demande, par le moyen des trois colloques, seront très utiles sans doute, mais ne suffiront pas sans l'exercice de la vertu que nous demandons, et sans de glorieuses victoires remportées sur nous-mêmes. Il faut encore que ceux qui désirent sincèrement parvenir à cette humilité sublime se souviennent que ce troisième degré, comme le dit expressément saint Ignace, suppose le premier et le second, afin que personne ne prétende, ou ne paraisse prétendre y aspirer sans travailler sérieusement à obtenir et à fidèlement pratiquer le premier et le second degré, ce qui serait se flatter vainement et se faire illusion. Fin de la note. De l'élection. 1. Prélude, ou principe fondamental. La première condition requise pour faire une bonne élection est, de notre part, que l'œil de notre intention soit simple. Je ne dois considérer qu'une seule chose, la fin pour laquelle je suis créé. Or cette fin est la gloire de Dieu, notre Seigneur, et le salut de mon âme, donc, quelle que soit la chose que je me décide à choisir, ce doit être pour qu'elle m'aide à obtenir cette fin, me gardant de subordonner et d'attirer la fin au moyen, mais dirigeant le moyen vers la fin. Un grand nombre de personnes commencent souvent par se déterminer à embrasser l'état conjugal, par exemple, qui n'est qu'un moyen, puis à servir dans cet état Dieu, notre Seigneur, ce qui est notre fin. D'autres commencent également par prendre la résolution d'accepter des bénéfices ecclésiastiques, et elles pensent ensuite au moyen de servir Dieu en possédant ces bénéfices. Aucune de ces personnes ne va droit à Dieu, mais toutes veulent que Dieu vienne droit à leurs affections déréglées, et, par conséquent, elles font de la fin le moyen, et du moyen la fin. Elles mettent en dernier lieu ce qu'elles devraient avoir premièrement en vue. Car nous devons en premier lieu nous proposer de servir Dieu, ce qui est notre fin, et, en second lieu, d'accepter un bénéfice ou de choisir l'état de mariage, si cela nous paraît plus convenable, ce qui est le moyen pour arriver à notre fin. Aucun motif ne doit donc me déterminer à choisir ou à rejeter tout ce qui est proprement moyen, que le service et la louange de Dieu, notre Seigneur, et le salut éternel de mon âme. 2. De la nature des objets qui peuvent être matière de l'élection. 4 règles et une remarque. Première règle, il est nécessaire que toutes les choses dont nous voulons faire élection soient indifférentes ou bonnes en elles-mêmes, et admises dans l'Église catholique, notre Sainte Mère. Elles ne peuvent donc jamais être mauvaises, ni contraires à ce que l'Église reçoit. Seconde règle, il est des choses qui rendent l'élection invariable, comme sont le sacerdoce, le mariage, etc. Il en est d'autres qui la laissent variable, comme sont les bénéfices ecclésiastiques et les biens temporels, que l'on peut accepter et abandonner à volonté. Troisième règle, lorsqu'on a fait une élection qui est, de sa nature, invariable, par exemple, lorsqu'on s'est engagé dans le mariage ou dans les ordres sacrés, il n'y a plus à y revenir, puisque le lien est essentiellement indissoluble. Si donc on n'a pas fait cette élection avec maturité et sans affection déréglée, comme on le devait, il faut tâcher de s'en repentir, et de mener une vie régulière dans l'état que l'on a choisi, bien que cette élection ne soit pas, ce semble, une vocation divine, puisqu'elle s'est faite avec une intention oblique et avec affection déréglée. Beaucoup de personnes se trompent en prenant une élection semblable pour une vocation divine, car la vocation divine est toujours pure et sans souillure, sans mélange des inclinations de la chair et des sens, ni d'aucune autre affection désordonnée. Quatrième règle, si l'on a fait d'une manière sage et convenable, sans prendre conseil de la chair ni du monde, une élection qui est en elle-même variable, il n'y a pas de raison pour faire de nouveau l'élection. Il suffira de se perfectionner dans l'état que l'on a choisi, autant qu'on le pourra. Remarque. Mais si cette élection variable n'a pas été faite avec une intention droite et une affection réglée, il sera utile de la faire de nouveau, si on a le désir de produire des fruits de salut abondants et très agréables à la majesté divine. Note. Il sera utile, si on a le désir. Ce n'est pas un commandement, c'est un conseil. Si vous voulez être parfait. Il faut remarquer en outre qu'il est un grand nombre de personnes qui, sans avoir la faculté de choisir presque en aucune chose, n'auraient cependant rien à envier à personne sur ce point, si elles connaissaient leur bonheur. Car assurément celui-là est heureux dans toute la conduite, toutes les actions sont tellement déterminées par la nécessité ou par le commandement, qu'il n'a jamais besoin d'examiner ce qu'il doit faire. Et c'est pour cette raison que les pauvres se sauvent et se sanctifient plus facilement que les riches, les serviteurs plus facilement que les maîtres, les inférieurs plus facilement que les supérieurs, parce que, sans parler de beaucoup d'autres avantages, ils ont moins à craindre le danger de se tromper dans la recherche de la volonté de Dieu à leur égard, puis, qu'elle leur est suffisamment déclarée par le fait même de leur condition. Souvent les autres arrivent à peine, après beaucoup de réflexion, où ces chrétiens simples, humbles et petits aux yeux du monde, sont menés, sans s'en apercevoir comme par une main étrangère. Les premiers sont dans la spéculation, les seconds dans la pratique. Du reste, plus l'affaire de l'élection est grave, plus celui qui a le pouvoir de choisir, joint à un ardent désir de son salut et de sa perfection, doit entreprendre cette tâche sérieusement et généreusement, s'il désire produire des fruits remarquables, à la plus grande gloire de Dieu. Fin de la note. 3. De trois temps ou circonstances dans lesquelles on peut faire une bonne et sage élection. Le premier temps est lorsque Dieu, notre Seigneur, me attire tellement la volonté, que, sans douter ni pouvoir douter, l'âme pieuse, dévouée, soumise, suit ce qui lui est montré, comme le firent saint Paul et saint Matthieu, en suivant Jésus-Christ, notre Seigneur. Le second, lorsque l'âme reçoit beaucoup de lumière et de connaissance au moyen des consolations et des désolations intérieures qu'elle éprouve, et par l'expérience du discernement des esprits. Note. Beaucoup de lumière. Azaz, mot vieilli, qui signifie graduellement, assez, suffisamment, beaucoup. L'ancienne version manuscrite adopte le dernier sens, et il paraît préférable. Une lumière passagère, un mouvement intérieur de consolation ou de désolation que l'on aura ressenti une première et même une seconde fois, ne suffisent pas. Il faut la réitération fréquente de ces mouvements intérieurs, afin de produire cette abondance de lumière et de clarté nécessaire pour conclure avec prudence l'élection dans ce second temps. Aussi saint Ignace ne dit pas un mouvement de consolation, mais l'expérience des consolations et des désolations, ce qui suppose des touches fréquentes et non passagères dans l'âme. Fin de la note. Le troisième est tranquille. L'homme, considérant d'abord pourquoi il est créé, c'est-à-dire pour louer Dieu, notre Seigneur, et sauver son âme, est touché du désir d'obtenir cette fin, choisit comme moyen un état ou genre de vie parmi ceux que l'Église autorise, pour mieux travailler au service de son Seigneur et au salut de son âme. J'appelle temps tranquille celui où l'âme n'est pas agitée de divers esprits, et fait usage de ses puissances naturelles, librement et tranquillement. Si l'élection ne se fait pas dans le premier ou dans le second temps, voici deux manières de la faire dans le troisième. 4. Premier mode pour faire une bonne et sage élection. Il comprend 6 points. Premier point. Le premier point consiste à me représenter l'objet qui est la matière de l'élection. C'est un emploi ou un bénéfice que je puis accepter ou refuser, ou toute autre chose qui tombe sous l'élection variable. Note. Ou toute autre chose qui tombe sous l'élection variable. L'usage de ces règles ne doit donc pas se restreindre aux choses qui tombent sous l'élection immuable ou invariable, comme le choix d'un état de vie, etc. Il faut encore l'étendre à tous les objets sur lesquels nous pouvons avoir à délibérer. Ces deux modes d'élection devraient être familiers à tout homme, intérieur et animé du désir de la perfection, ils devraient l'être surtout aux supérieurs religieux, afin de diriger le gouvernement de leur communauté et celui de leur propre personne à la plus grande gloire de Dieu. Fin de la note. Second point. Dans le second point, je dois me mettre devant les yeux la fin pour laquelle je suis créé, savoir, louer Dieu, notre Seigneur, et sauver mon âme. Je dois en outre me trouver dans une entière indifférence, et sans aucune affection désordonnée, de sorte que je ne sois pas plus porté ni affectionné à choisir l'objet proposé qu'à le laisser, ni plus à le laisser qu'à le choisir, gardant l'équilibre de la balance, et prêt à suivre le parti qui me semblera le plus propre à procurer la gloire de Dieu et le salut de mon âme. Note. Je dois en outre, ce second point demande clairement, comme condition préalable et indispensable, sans laquelle il est impossible de faire une bonne élection, premièrement, la considération de la fin, secondement, l'indifférence pour les moyens. Dans la méditation fondamentale, il faut se rendre, il faut se faire indifférent, ici, il faut l'être. Il faut se trouver tel des efforts pour acquérir l'indifférence ne suffisent pas, l'indifférence elle-même doit précéder toute bonne élection. Fin de la note. Troisième point. Dans le troisième point, je demanderai à Dieu, notre Seigneur, qu'il daigne toucher ma volonté, et mettre lui-même dans mon âme ce que je dois faire relativement au choix qui m'occupe, à sa plus grande louange et à sa plus grande gloire, réfléchissant de mon côté avec attention et fidélité, au moyen de l'entendement, afin de faire un choix conforme à sa très sainte volonté et à son bon plaisir. Note. Émettre lui-même dans mon âme. Ces paroles, d'une admirable simplicité, ne signifient pas seulement suggérer, ou indiquer à l'entendement, mais encore à mener la volonté à désirer l'objet qu'il lui convient de choisir, faire que cet objet soit au milieu de l'âme, afin que l'âme, réunissant ses puissances, l'entendement et la volonté, se détermine à l'embrasser. L'auteur des exercices développe sa pensée dans les lignes suivantes. Réfléchissant, afin de faire un choix, il veut, comme il le recommande si souvent, que nous demandions deux grâces, l'une de lumière, pour examiner avec maturité et fidélité, au moyen de l'entendement, ce que l'on appelle raisonner, l'autre, de pieuses motions intérieures, pour choisir, avec le secours de la volonté, ce qui me paraîtra le meilleur. Conforme à la volonté de Dieu, et non seulement à sa volonté, mais à son bon plaisir, ce qui renferme une plus haute perfection. La remarque suivante nous paraît mériter quelque attention. La version vulgate traduit, éclairer l'esprit et mouvoir la volonté. C'est l'ordre naturel, Saint Ignace le change, toucher ma volonté et mettre dans mon âme. Pourquoi cette différence? Peut-être parce que, dans les choses surnaturelles, la motion divine n'est pas seulement nécessaire pour embrasser ce que l'entendement montre comme le meilleur, mais qu'elle doit encore précéder la discussion ou l'examen, qui est l'œuvre de l'entendement. Car, si la volonté n'est d'abord prévenue et touchée par la grâce, l'application de l'entendement sera, comme nécessairement défectueuse et sujette à l'erreur, parce qu'elle le sera à la légèreté ou à la passion. Fin de la note. Quatrième point. Dans le quatrième point, je considérerai avec attention, d'un côté, l'utilité et les avantages qui doivent résulter pour moi de l'acceptation de cet emploi ou de ce bénéfice, sous le rapport uni de la louange de Dieu, notre Seigneur, et du salut de mon âme, et, de l'autre, je considérerai les inconvénients et les dangers. Ensuite j'examinerai, avec la même diligence, d'abord l'utilité et les avantages, puis les inconvénients et les dangers du refus. Note. Sous le rapport uni de la louange de Dieu, etc. Peut-on le dire plus clairement et l'inculquer avec plus de force? Quels motifs devons-nous avoir devant les yeux lorsque nous recherchons, lorsque nous examinons, lorsque nous pesons les inconvénients et les avantages de telle ou telle élection? Uniquement celui de la gloire de Dieu et du salut de mon âme. Je n'aurai donc égard qu'aux avantages qui m'aident à obtenir cette double fin, et aux obstacles qui m'en éloignent, et je ne considérerai les autres motifs, pour ou contre, qui s'offriraient à ma pensée, que sous le rapport qu'ils peuvent avoir avec cette même fin. Car, qu'un objet plaise ou non à la nature, qu'il flatte ou non les sens, cette raison doit être nulle, et ne peut influer aucunement par elle-même sur ma délibération. Fin de la note. Cinquième point. Dans le cinquième point, après avoir ainsi examiné la question sous ces divers points de vue, je considérerai de quel côté la raison incline davantage, et, ne suivant que sa lumière, sans consulter aucunement les sens, je fixerai mon choix sur la matière que je viens de discuter. Sixième point. L'élection ainsi terminée, je m'empresserai de me mettre en prière en la présence de Dieu, notre Seigneur, et de lui offrir le choix que je viens de faire, afin que sa divine majesté daigne le recevoir et le confirmer, s'il est conforme à son plus grand service et à sa plus grande gloire. Note. Le recevoir et le confirmer, si cette dernière condition est encore nécessaire, nous pouvons avoir discuté notre élection avec le dernier soin, cependant notre diligence ne nous met pas à l'abri de la possibilité de l'erreur ou de l'illusion. Fin de la note. 5. Second mode pour faire une bonne et sage élection. Il comprend quatre règles et une remarque. Première règle, l'amour qui me porte et me détermine à choisir tel objet doit venir d'en haut, et descendre de l'amour de Dieu même. Je dois donc, avant d'arrêter mon élection, sentir intérieurement que l'affection plus ou moins grande que j'éprouve pour cet objet est uniquement en considération de mon Créateur et Seigneur. Seconde règle, je me représenterai un homme que je n'ai jamais vu ni connu, et, lui désirant toute la perfection dont il est capable, j'examinerai ce que je lui dirai de faire et de choisir pour la plus grande gloire de Dieu, notre Seigneur, et pour la plus grande perfection de son âme, puis, me donnant à moi-même les mêmes conseils, je ferai ce que je lui dirai de faire. Note. Un homme que je n'ai jamais vu ni connu. S'il s'agissait d'un ami, et surtout d'un ami intime, comme le suppose la version Vulgate de 1548 et l'abbé Clément, si quelqu'un de mes plus intimes amis, Une affection trop humaine peut-être m'exposerait au danger de me tromper et de le tromper lui-même, mais envers un inconnu, envers un homme qui s'offre pour la première fois à mes regards, il m'est plus facile de me dégager de toute affection moins pure, et de n'avoir d'autre désir que celui de sa perfection. Fin de la note. Troisième règle, je considérerai, comme si j'étais à l'article de la mort, de quelle manière et avec quel soin je voudrais m'être conduite dans l'élection présente, et, me réglant sur ce que je voudrais avoir fait alors, je le ferai fidèlement maintenant. Note. Textuellement. Que je fasse en tout ma délibération en me réglant sur cette manière. Fin de la note. Quatrième règle. Je considérerai avec attention quelles seront mes pensées au jour du jugement. Je me demanderai comment je voudrais avoir délibéré dans l'élection actuelle. Et la règle que je voudrais alors avoir suivie est celle que je suivrai à cette heure, afin de me trouver en ce jour dans un entier contentement et dans une grande joie. Remarque. Après avoir exactement observé ces quatre règles, et pourvu ainsi au repos et au salut éternel de mon âme, je ferai mon élection et mon oblation à Dieu, notre Seigneur, comme il a été dit dans le sixième point du premier mode d'élection. 6. De l'amendement personnel et de la réforme à introduire dans l'état de vie que l'on a embrassé. Quant aux personnes constituées en dignité dans l'Église ou engagées dans le mariage, il faut, abstraction faite de la grandeur ou de la médiocrité de leur fortune, tenir avec elles la conduite suivante. Lorsque le retraitant n'a pas la facilité, et surtout une volonté ferme de faire l'élection sur certains points qui tombent sous l'élection variable, il est très utile, pour y suppléer, de lui suggérer quelques avis, de lui tracer quelques règles, qui l'aideront à réformer sa conduite personnelle, et sa manière d'être dans l'état de vie qu'il a embrassé. Ainsi, après s'être rappelé qu'il a été créé pour la gloire et la louange de Dieu, notre Seigneur, et pour le salut de son âme, il fera en sorte de rapporter toute sa conduite et son état de vie à cette double fin. Pour arriver à ce but, il réfléchira attentivement, à l'aide des exercices précédents, et d'après les modes d'élection que nous avons exposés, quelle doit être sa maison et le nombre de ses domestiques, comment il doit les conduire et les gouverner, comment il est de son devoir de les instruire par ses discours et par ses exemples, de même, quelle partie de ses revenus il peut employer aux besoins de sa famille et de sa maison, et quelle autre il doit distribuer aux pauvres et consacrer aux bonnes œuvres. Et il ne doit en tout et pour tout cela ni vouloir, ni chercher autre chose que la plus grande louange et la plus grande gloire de Dieu, notre Seigneur, car il faut que chacun sache qu'il avancera dans les choses spirituelles à proportion qu'il se dépouillera de son amour propre, de sa volonté propre, et de son propre intérêt. Note. Une volonté ferme. Textuellement, une très prompte volonté. Sans cette promptitude de volonté, c'est en vain que l'on entreprendrait une affaire aussi importante et aussi difficile que l'élection. Sous l'élection variable. Par exemple, dois-je conserver ou abandonner tel emploi que j'exerce, tel poste que j'occupe, et qui, par sa nature, ne m'engage pas d'une manière irrévocable? Accepterai-je, dans la suite, de nouvelles charges, prétendrai-je à de nouvelles dignités, ou me contenterai-je de celles que je possède? Si le retraitant n'a pas une très prompte volonté d'examiner et de décider par l'élection ses points divers, ce qu'il serait plus parfait de faire, il est très utile, pour suppléer à l'élection, etc. Note. Matière de la réforme ou des résolutions d'après le directoire. les passions non entièrement domptées, les mauvaises habitudes, les inclinations déréglées, par exemple, le désir de l'honneur et de l'estime, l'attachement à la volonté propre, aux aises du corps, etc. Les tentations qui viennent du dehors, surtout celles qui sont fortes et fréquentes, l'accomplissement des devoirs de son état, l'emploi du temps, et enfin toutes les actions du jour que l'on désire régler, comme les repas, le sommeil, l'étude, les rapports avec le prochain, et ainsi de tout le reste. Pour que cette réforme se fasse avec fruit, il est nécessaire que le retraitant s'efforce d'acquérir une grande connaissance de soi-même. Il jettera un regard attentif sur tout le passé, sur ses emplois, sur ses occupations, il considérera la multitude de ses manquements, leur gravité, à raison de son état, de ses obligations, enfin, il recherchera et examinera soigneusement les causes, l'origine, la racine de tant de maux. Chapitre 10, numéro 7, 8. Le même sujet d'après l'auteur de l'imitation. Livre 4, chapitre 7 de l'examen de conscience, et de la résolution de se corriger numéro 2. Ce passage revient parfaitement au point qui nous occupe. On ne saurait le méditer avec trop d'attention. C'est un tableau achevé, il n'y manque aucun trait. Il est difficile de trouver en si peu de mots rien d'aussi complet, et qui marque une connaissance aussi parfaite du cœur inscrutable de l'homme, toujours attaché à la terre et fait pour le ciel. En terminant cette importante matière de l'élection et de la réforme, et en même temps cette seconde semaine des exercices, si féconde en enseignement spirituel, nous appellerons l'attention du retraitant sur les dernières paroles que l'auteur des exercices vient de nous faire entendre. Que chacun sache qu'il avancera autant dans les choses spirituelles, qu'il se dépouillera de son amour propre, de sa volonté propre et de son propre intérêt. Remarquez avec soin ce principe fondamental de la vie spirituelle, ce moyen unique d'acquérir la vertu solide et de vivre véritablement selon l'esprit. Observez et pesez ces deux mots qui sont corrélatifs, autant que, tant homme quant homme. Enfin, efforcez-vous de comprendre de plus en plus pourquoi l'unique but des exercices est, quant à la pratique, de porter celui qui s'y applique à la destruction de l'amour propre, à la victoire sur soi-même, comme à leur fin prochaine et immédiate. C'est que, si le retraitant obtient cette fin prochaine des exercices, qui est la victoire sur ses passions, il obtiendra comme nécessairement leur fin dernière, qui est la gloire de Dieu, son propre salut et sa perfection, et d'une manière d'autant plus pleine et plus parfaite, qu'il se sera d'abord livré à l'acquisition de la fin prochaine avec une volonté plus pleine et plus courageuse. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.